péter comme à Calvi ou Ajaccio. J'irai traiter enfant de putain, joueur de la Lazio. Du loser, c'est notre regard d'Acacio. Acacio, on a l'œil trop vif, la frappe de Paggio. Abonné aux agios, Mexico percé. Sur la bombe rappelé chaque jour, j'ai pas gagné au tiercé. Ici, le rap ne paiera jamais, tu le sais. Alors je sors les piles et je charge des joints à tous. J'ai la rime qui tue, mais qui t'es pour me traiter le détritus. T'as pour détruire l'instru, regarde bien, c'est mon écriture. Regarde poteau, tu joues pas de pétard à la ceinture. La rigueur un couteau, car les frères font pas dans la peinture. Les temps sont durs, ma couille, protège ton dos, c'est tendu. Entre la bague, patrouille et bagarre de clando. Faut que je passe au plan 2, je rattache mon bandeau. Faut qu'il bande, même si j'ai rien d'une blonde. Non, mais plutôt tout d'une bombe. Vous étiez combien à vouloir enterrer le sud? Combien je ressors de la tombe? Rousse et la barbe, elle fait de l'ombre. T'as voulu chambrer, regarde de près le 31, personne a sombré. Furax indépendant, sur les tendins, type sentant. Ces bâtards qui veulent jouer comme descendance. T'entends, juste bidon d'essence, ils crament la tendance. Plantant la douce France, son corps mort, un nouveau pas danse. La vie c'est apprécier la chute à chaque branche. La castron se fâche, torche, tout partir les pieds devant. Y'a pas de tranche d'âge pour voir la plaine, une entre quatre planches. Mais sache qu'on n'avance pas, le cul posé dans le divan. Les mots, mes armes, et dans cette lutte, j'ai carte blanche. Y'a pas de changement, le chrono tourne toujours dans le vent. J'ai pourtant sorti la rime, mes cartes brèche. C'est moche, car si mon son pète pas, c'est vient de la mèche. Lissendo, passe-moi le tien. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y, t'es de merde. Qu'est-ce que tu fous là? Dégage, toi. J'ai pris les arrimes. Personne trompé sa mère. Rien. J'irai tout faire péter, mon gros, pour quelques lovés. Je rentrerai dans le rap comme dans un McDo à la pauvre. Mais mon son pavé, ma rime belle dépravée. On m'a dit j'étais terre, Panama, gueule, serait déjà gavé. Mais putain, je représente Toulouse, bande de navets. Et si je puissais sur ton long être neuf, je pourrais que les laver. Alors j'encule la jet set, tout c'est gravé. Je porte mon 31 dans le cœur et c'est d'enlever, c'est gravé. J'ai trop la patate, si tu savais. Chaque jour, je me lève avec la matraque et l'envie de manger le mac en civet. J'y vais, une spéciale pour ces PD qui nous ont levés. Allez niquer vos mères, écris ça en ton PV. À part ça, un pack de pierre, un match du Barça. En arrière, le rap comme vaccin, poussé en arsa. La niaxe, ouais, des fois l'arsin, des soirées valsa. À valsa, on danse la valse, mais on pisse sans la valsa. Et yo, on veut un burrito, garé pasta. Mais l'estomac plate pasta, comme une femme, genre les Ticasta. Je rentrerai dans la fiesta pour le sud-ouest. J'ai mis ma belle veste, tu peux molester. Tu m'aimeras, comme elle les aime, longue et épaisse. Appelle ton posi, dis-leur que je viens vider les caisses. Et dédicace pour tous mes frères en pénitence. Et évitons ça, mais on y passera tous, c'est une évidence. La vie c'est apprécier la chute à chaque branche. Un casson se fâche, torche, tout partir les pieds devant. Y'a pas de tranche d'âge pour voir la plaine, une entre quatre planches. Mais sache qu'on avance pas, le cul posé dans le divan. Les mots, mes armes, et dans cette lutte, j'ai carte blanche. Y'a pas de changement, le chrono tourne toujours dans le vent. J'ai pourtant sorti la rime, mes cartes brèches. C'est moche, car si mon son pète pas, c'est bien de la mèche. Putain, laisse tomber. Putain, tu veux que je te passe en silex? La mèche est foireuse. La connerie. Vas-y, tire, là, tire du monde, tire, casse. Allez, tiens, marche là, ton putain de solex. Allez, démarre. Allez, regarde, allez, cramer sa gueule, putain, ma gueule. Allez, regarde.